donc un peu les filles. Allez, Marcus ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG. Pour suivre votre émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit, ici et nulle part ailleurs sur RIG. Comment allez-vous tous? Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver également, comme tous les mercredis, hein, oui, oui. Il y aura des mercredis où je serai absent, mais c'est la règle du jeu. Ce sera un vrai plaisir de vous retrouver à chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes le premier mercredi du mois, un premier mercredi du mois, celui du mois d'octobre, et je vous propose évidemment un mercredi en live, un joli de A à Z en live. Qu'est-ce qu'on va retrouver pour cette émission? Eh bien, c'est très simple. Le 14 septembre dernier, nous avons eu droit à un concert hommage à Bercy pour Johnny Hallyday, où il y avait des tas d'interprètes qui étaient là. Hein. Mais ce concert hommage est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des fans du Taulier. On penserait même qu'il y a eu une scission entre fans suite à cet événement. Hein. Les pro-Laetitia, les anti-Laetitia, ceux qui étaient devant leur poste de télé, ceux qui étaient sur place, ceux qui ont adoré ce moment et ceux qui l'ont détesté. Enfin, ce soir, je vais essayer de réconcilier tout ce monde, tout ce grand monde, en reproduisant ce concert, grand public, un best-of, hein, quoi, avec la voix de Johnny et la setlist de ce concert qui, et ce soir, elle sera composée d'extraits de concerts du Taulier de 1976 à 2016, ici, sur l'antenne de RIG, la radio de Johnny, le mercredi soir de 22h à minuit. Vous connaissez la setlist? Non? Ben, le titre, le concert s'appelait Que je t'aime, mais on va commencer tout de suite avec le titre Je te promets. Bonne soirée à toutes et à tous, vous écoutez Johnny de A à Z. Le baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, les fleurs et tes dentelles pour que tes nuits soient douces, je te promets la clé, je te promets la vie. Je te promets le feu, plus jamais tes adieux. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au sol. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire, en encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrits à la craie, on fait bien des grands feux en frottant les cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent. Et même si notre histoire se termine mal, ce premier amendement de fièvre et de douceur, pas toute la vie, mais quelques heures. Je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Compris, on va écouter que du Johnny ce soir, que la voix de Johnny a aidé sur l'antenne de RIG, la radio de Johnny, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. On suit la setlist qui nous a présenté ce concert hommage et on enchaîne de suite avec Vivant pour le meilleur, Johnny a aidé au Parc des Princes en 2003. Et les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, et les gens qui courent après l'amour qui le fuit, les voix qui se lèvent pour un Dieu qu'il ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Vivre pour le meilleur, se vouloir pour tous. Que l'illusion d'attendre un signe, des femmes qui pleurent leurs enfants mais restent dignes. Toi tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Tu étends nos corps, se fend l'amour. Ne rien garder. qui nous manque, ce qui manque souvent dans ce métier à beaucoup de chanteurs ou à des comédiens, ou bon, c'est l'envie vraiment. D'abord, je pense que pour faire ce métier, c'est un petit peu comme les boxeurs, il faut avoir faim, ou il faut avoir eu faim dans sa vie pour se battre. C'est un métier où il faut se battre continuellement. C'est-à-dire que tant que je ferai ce métier, je le ferai avec amour, et je le ferai... je le ferai comme je l'ai toujours fait, autrement je ne le ferai plus. Et Jean-Jacques m'a écrit « Donnez-moi l'envie d'avoir envie », ce qui veut tout dire. Mais c'est aussi le public qui me donne l'envie. L'obscurité puis la lumière. On me donne à la fin la soif puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. On me donne la peine que j'aime dormir. On me donne le froid que j'aime la flamme. Que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à tes femmes. On m'a colonné bien avant l'envie, j'ai oublié les merci, toutes ces choses qui avaient appris et qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Donne la haine pour que j'aime l'amour, la solitude aussi pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse du discours et toucher la misère pour respecter l'argent, et pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. On me donne la nuit pour que j'aime le jour, comme donne le jour pour que j'aime la vie, pour que j'aime aujourd'hui, oublier toujours. On m'a collé bien avant l'ennui, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient appris et qui font l'envie de vivre. Yeah. joue ce soir Johnny Hallyday en live. Le concert hommage du 14 septembre, sauf que ce n'est pas des invités, on va dire, illégitimes, hein, qui chantent, qui reprennent du Johnny Hallyday, mais c'est bien Johnny qui reprend tous ses standards, ce petit concert grand public, ce concert best-of en quelque sorte. Et là, on le retrouve tout de suite à Bercy en 1992 avec Diego. Est-ce qu'il y a des backers ce soir ici? Est-ce qu'il y a des motos ce soir? Vous savez ce que veut dire le terme backers, non? Mais j'aimerais dédier cette chanson à tous les backers. Compte un artiste, ça n'a l'air de rien, mais c'est très seul. C'est vrai. C'est très seul parce que moi je sais, moi j'ai des crises de cafard immenses des fois parce que je me sens seul, terriblement seul. Enfin, je me sens seul même quand je suis au milieu de 1000 personnes. Le concert hommage de Johnny Day, c'est ici, nulle part ailleurs. Ben oui, c'est ici sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Ils n'ont pas pu nous offrir ça le 14 septembre à Paris-Bercy, à la Cora Hotel Arena. C'est ici sur RIG. Il y a des flatteurs qui traînent sur scène et on démonte les projecteurs quand sa vie n'est plus mise en scène. Ça lui fait peur. qu'il aime seront partis dans la semaine. Dans sa loge, des photos, des fleurs, une certaine image du bonheur. Et il fait le vide dans sa tête. Il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Dire que le blues est inventé pour lui, c'est cliqué parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui il est. La fille qu'il attend, qu'il aime comme un enfant. Sans qu'il parle, elle comprend. Mais sa vie, comme c'est bon d'être heureux. Mais comme c'est bon d'oublier que tellement de lumière. Ça peut faire mal aux yeux. Il fait le vide dans sa tête. Il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Sûr que le blues est inventé pour lui, c'est fini parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, et lui, il se demande qui il est. Qui va pas? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule, hein? Gueule. chose qui ne va pas. Il ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit. Si tu veux te la payer, reviens, je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit. On va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. faut toujours RIG, la radio de Johnny Hallyday sur l'antenne de RIG. Oui, l'émission de Johnny de A à Z, c'est ça que je voulais dire. Et le concert hommage à Johnny Hallyday. La seule chose qui reste, ce sont voici Johnny Hallyday à Bruxelles en 1998. Les chansons qu'on écrit avec des émotions, les chansons qu'on écrit pour un grand amour. Les choses qui restent enfin. Donc j'ai choisi de vous remercier à travers une chanson d'amour. Une chanson que je chante uniquement pour vous ce soir. Je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Non jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu car il ne bat plus, mais il pleure mon amour déçu. J'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au

lointaines heures de la nuit. Quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Servons-nous avec ses mots à lui. Quelque chose, oui, quelque chose en nous de Tennessee. Je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. À celui qui veut pas la place. Hey. Oui, dans le ciel, sans voir le jour, c'était ma peine, sans ça de l'amour. Moi, j'ai refusé. Oui, dédicace est bien sûr le fabuleux, l'unique Greg Slap. Sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de AZ, le concert hommage de Johnny Hallyday qui était reproduit le 14 septembre à l'Accor Arena. Et oui, nous avions Greg Slap pour ce morceau-là. Est-ce qu'on pourrait allumer la salle, que je puisse voir tout le monde parce que je ne vois pas là. On poursuit cette émission avec ce concert hommage et le titre 100% Johnny Hallyday, c'était au Parc des Sceaux le 15 juin 2000. Johnny de AZ, votre rendez-vous le mercredi de 22h à minuit. J'ai pas toujours trouvé les mots pour percer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. On s'apprivoise au jour le jour. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tout s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe. Au-delà de nos différences, écoute les gueules et tout le sang, à force d'y changer nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans pour cent. Au-delà de nos différences, à force d'y changer nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans pour cent. Si on ne pense pas à l'amour, on est incapable d'avoir des sentiments en chantant des paroles d'amour. C'est pas possible. Moi, je sais que moi, les plus belles chansons que j'écris sur l'amour, c'est quand je suis malheureux, quand j'ai un chagrin d'amour, ou quand. Et parce que ce sont des choses qu'il faut ressentir, ça. Et moi plus fort. empêche-moi. Empêche-moi de me détruire. Johnny au Stade de France, le 11 septembre 1998. Ah, on l'aura fait quand même ce spectacle. Sur scène, vraiment, je me laisse aller. Ouais, c'est peut-être le seul moment où je suis vraiment moi-même, quoi. La bête. Voici à présent Hey Joe du Palais des Sports 1976. Non pas la version, donc. La belle version que nous avait offerte Louis Bertignac. Mais c'est bien Johnny. Hey Joe, cours pas comme ça, dis. Y'a pas le feu chez toi. Hey Joe, allez, viens dire bonjour. Et t'en mourras pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je ne sais. Rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein. Mais de quoi? Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu m'en fous de tout ça. Comme tu dis la fille, c'est le métro à 6 heures et chacun pour soi. Mais pour toi Joe, y'a toujours une place, mais pas pour moi. Pourquoi? Hey, hey Joe, pour toi t'as ta chance, plein les doigts. De la mienne. Dis donc, ma parole en double. donnerai tout pour oublier. Oh, oh, oh, oh. Et je cours toute la journée sans savoir où je vais, dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Demain ce sera le grand jour, il faudra faire preuve de bravoure, oui, monter au front en première ligne. Au mari, je t'en prie, fais-moi ainsi. Allongé dans l'herbe, je m'éveille. J'ai vu la mort dans son plus simple appareil. Elle m'a promis des vacances. Oui, la mort m'a promis sa dernière danse. Oh Marie, tu savais. J'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, oui j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Avec tous les jours, je me dis que j'ai vraiment de la chance d'avoir un public comme vous. Merci. Le concert hommage qui a été délivré le 14 septembre, chanté par d'autres personnes, mais là, ce soir, sur RIG, c'est chanté par Johnny Hallyday. Sauf ce titre, c'est en duo. Avec sa choriste du moment, c'était à Montreux en 1988. Voici « J'oublierai ton nom ». Deux semaines inutiles ont fui le dimanche, deux secondes immobiles aux aiguilles qui penchent. J'oublierai ton nom. De quatre nouveaux murs dans un autre quartier, de pinceaux de peinture en meubles installés. J'oublierai ton nom. Puis de la piste suivante à la dernière danse, de quelques nuits de feu, matinée de cendre, de cette agitation dénuée de tout sens, du fond de ma raison jusqu'à mon inconscience. De la main d'un ami au baiser d'une bouche, tous ceux qui sauront lire que le mal a fait mouche, j'oublierai ton nom. Cette blessure, c'était toi encore. j'arrive sur scène et que je suis crevé. Oh là là, je suis fatigué ce soir. Je vais sur scène. L'orchestre commence. J'arrive sur scène, je dis waouh, pour moi la vie vient commencer. Chansons pour vous, comme on fait certains soirs, quand on se sent bien comme ça, avec uniquement quelques amis à la maison. Donc si vous fermez vos yeux ce soir, je vais vous inviter chez vous. On va prendre une guitare et on va vous chanter des chansons. Vous avez le droit également, si vous reconnaissez quelques chansons, de vous joindre à nous et de chanter avec nous. Vous êtes chaud ce soir. Moi aussi. peine. Dommage que faire nos problèmes puisse se libérer de nos chaînes et lâcher le lion dans l'arène. Je veux la foudre et l'éclair, l'odeur de foudre, le tonnerre. Moi je veux la fête et les rires. Moi je veux la foudre. Il a peu de jours, mais pour allumer le feu, allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, et faire grandir de la flamme. Il suffira d'une étincelle, tu es l'amour d'amour, et tout, et tout. D'être sur une scène, c'est un métier quand même assez, comment dire, c'est un métier facile, je veux dire, il y a des métiers plus importants que ça, il y a des docteurs qui sauvent des vies humaines, il y a des tas de métiers qui sont des métiers sérieux, je veux dire, bon, alors si on se prend au sérieux, je veux dire, ça devient dramatique, il ne faut pas se prendre au sérieux, ce qu'il faut essayer, c'est essayer de faire oublier aux gens leurs problèmes pendant une heure et deux heures. Direction le Parc des Princes en 1993. Sans arrêt. s'enfile. C'est le fil qui est de pierre qui roule toujours. C'est bien la fortune et plus. Et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Éteignent les projecteurs, soudain sur moi elle se jette, efface-le dans mon cœur. Dans la nuit je file, tout seul de ville en ville, le signe d'une pierre qui roule toujours. Et le spectacle terminé, sans aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Mais s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Mais à force de briser guitare. Sur des scènes violentes et sous des lumières bizarres. À force d'oublier qu'il y a la société, m'arrachant du sommeil pour vous faire chanter. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Concert hommage pour Johnny Hallyday. C'était le 14 septembre avec les petits chanteurs de la gueule de bois. Ah, la gueule de bois, ouais. Là, c'est le vrai Johnny. Johnny Hallyday 1979 au Palio Bay, Porte de Pantin. Et le titre, Fils de personne, Fortunate Son. Il y en a qui laissent dans les pays de drapeau. On sent des hymnes militaires. Et quand la troupe défile sur leurs carreaux, ils se sentent l'âme guerrière. Je suis pas né militaire. Pas moi, pas moi. Je ne suis le fils de personne. Y en a qui naissent avec dans leur berceau des milliards de leurs pères. On leur apprend que tout peut s'acheter. Les affaires, oui, sont les affaires. Pas moi, je ne suis pas né millionnaire. Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez l'air très calme ce soir. Vous n'êtes pas en forme? Oh, j'aimerais vous entendre un peu. Est-ce que vous êtes là? Oh, oh! Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres galants ont fini. Ça va me te marier. Peux-tu jamais me pardonner? Oui, je t'ai trop fait pleurer. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. Dès la nuit, tenez dans les rues, ils iront tout droit en prison. Pénitencier au Palais des Sports de Paris, c'était en 1982. Le monde aille mieux, il suffirait d'un seul mot. Un seul mot. Je t'aime. Je t'aime. je t'aime. Et avec ce mot, sans doute que ça pourrait changer le monde. Extrait de Restez vivant tour de 2016, voici Te manquer. Je partirai un soir, quand tu m'aimeras encore. Je partirai d'ici, pour raviver le feu, pour tracer de mémoire les contours de ton corps. Je partirai aussi pour le plaisir du jeu. Te manquer, te manquer, je voudrais te manquer. Je garderai pour toi le plus doux des silences. Je resterai des jours intraçables et muets. Je ferai de ma voix l'écho de mon absence et de tout cet amour, un sentiment parfait. Et te manquer, te manquer, te manquer. L'amour très loin de toi, un exil volontaire, brisant ma solitude avec des choses de rien. Que la chaleur du sud aura mis sous mes mains. Et te manquer, te manquer, je voudrais te manquer. Je serai l'étranger passant sous ta fenêtre. Je serai l'inconnu que tu pourras peut-être. Je serai devenu ton désir tout entier. À te manquer, oui te manquer, je voudrais te manquer. Alors je rentrerai lorsque je serai sûr de t'avoir tant manqué que tu n'en pourras plus. Tu m'ouvriras les bras et en moi je te jure que tu retrouveras tout ce qui t'avait plu. Je te regarderai comme pour la première fois. Je lancerai de nouveau dans les tiens de ton rire. Puis je redeviendrai un mystère quelquefois. Thank you. voudrais vous manquer. Merci mille fois, merci. Vous êtes formidable. Wow. Très heureux de chanter pour vous, merci pour ça. Que vous aimez, toute la musique que j'aime, elle vient de là, ici, elle vient du blues. Autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, le vin noir lui donnait le jure pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. À la fin de ce concert hommage qui était diffusé le 14 septembre. Ce soir, il y avait la rediffusion de ce concert hommage, mais avec... ce qu'on ne désirait pas ce soir, on voulait écouter Johnny, nous, ce soir. C'est ce qu'on fait ici sur RG dans l'émission Johnny de A à Z. L'impossible, quelque chose, est-ce que c'est réalisable encore aujourd'hui? Avec le rêve, en tout cas, on peut y arriver. C'est pour ça que dans la vie, il faut pouvoir rêver et être libre. Cette chanson, j'aimerais vous la dédier, j'aimerais la chanter pour vous. C'est une chanson qui nous concerne tous. Ouais. impossible rêve porter le chagrin des départs et brûler d'une impossible fièvre, oui, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure. Trop même mal et tenter sans force et sans armure, oui, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, m'apporte mes chances. Le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, cette année pour l'heure d'un mot d'amour. Et je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes éclabousserait de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, et brûle encore, même trop même mal, pour atteindre, croissant les cartes. De cette émission spéciale live avec le concert hommage de Johnny Hallyday, reprenant le playlist du 14 septembre, le concert qui a été donné à Paris, au Palais Omnisports de Paris-Bercy, chanté entièrement par Johnny avec les inventions de ce fameux concert également. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé et écouté cette émission et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un invité, Jean-François Chenu, qui viendra parler de son nouveau livre. À bientôt tous et à tous. Bonne nuit, ciao ciao.